boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Pop and Rock aura ce soir une forte couleur 2023. La plupart des titres programmés ce soir sont sortis entre début janvier et mars 2023. Alors oui, le Nice To Me qu'on vient de se faire date de quelques années, mais Yumi at Six vient de sortir il y a quelques temps Tuesday Cahier, qui comme souvent pour Yumi at Six propose peu de choses intéressantes pour nous, sauf peut-être la piste 1, Deep Cuts, très Red Hot Chili Peppers. On écoute, mais surtout on ne s'enflamme pas, le reste n'est toujours pas au niveau et encore une fois c'est bien dommage. Take the red or blue pill, finger on the trigger is a crutch. Tell me y a quelques semaines, à la radio, j'ai reçu à mon intention un CD du dénommé André Fernandez. Tout d'abord flatté, la curiosité l'a heureusement emporté. CD 7 titres pour un rock classique dans lequel se mélangent énergie, guitare, piano et même synthé pour un esprit vraiment rock, grâce notamment à Never Let You Go qui nous fait remonter le temps. Alors oui, à l'époque, des groupes au pseudo souvent délirants, voire psychédéliques, André Fernandez, ça m'a d'abord fait sourire. Et puis j'ai écouté. Thank you. Local RVR, on a nous aussi nos classiques. Et celui qui arrive, ça s'appelle Manchester Orchestra et il chante Virgin. Profitez. Ça, c'est bien vendu la voix off. Merci. Fall down and rise again. Et ouais, c'était le retour de Manchester Orchestra dans Pop and Rock sur la très locale RVR avec le titre Virgin. Morceau quasi anthologique pour moi grâce à des paroles dignes des Pink Floyd et à la mélodie inoubliable. Mais bon, si on revenait en 2023, voici Paramore. Paramore a sorti début 2023 This Is Why, album duquel on vient d'extraire This Is Why. Paramore, une fille de gars, guitare, basse, batterie, la base quoi. Alors on fonce sur un second titre de This Is Why avec le choix d'un titre, c'est comme ça, ouais, le titre est en français, petit clin d'œil peut-être, c'est donc Paramore ce soir dans Pop and Rock. That regression is real.

Si j'aime The Prowl chanter en solo par le Dan, je dois bien reconnaître que lorsqu'il retrouve Patrick Carney à la batterie des Black Keys et qu'il nous envoie Little Black Submarine, je craque. Pas vous ? Broken heart is blind. L'Europe du rock trouve son centre de gravité chez les Brexiteurs, mais l'Est de ces grands Bretons essaie de déplacer ce noyau originel, alors que dire des rockers polonais de Riverside ? À vous de juger leur rock progressif ou pas. There's this feeling I can't hide. My heart keeps saying that I can't lose you again. I will find you, don't you hide. It's the middle of the night. Am I a fool to let you go now? It's the middle of the night. Cause now my heart says you're the one. It's the middle of the night. Now you got. Is this a curse or just we're after? It's the middle of the night. Now you got. Someone tell me what's going on. I'm gonna. I'm gonna find you, baby. I'm gonna find you. I'm gonna find you. 4 minutes 08 de douceur rock, vous avez aimé peut-être les Polonais qui semblent avoir oublié la vodka. Alors montez le son et profitez de Landmine Blast, second titre du soir de Riverside dans Pop and Rock. all the time. I guess it was that word. Oh, your stream of thoughts. Maybe you should know the world has changed since our last talk. And now your nightmare is coming true. The cloud pounces upon you, and you can't escape. To make us lundi entre 17h et 18h, vous écoutez Pop & Rock sur RVR au 104.6. There was a boy. Y a pas à dire si le Noël est une vraie tête de bip, comme il sait si bien nous apprivoiser avec ses histoires et ses mélodies. L'heure de nous quitter approche, revenons donc début 2023 avec We Are Scientists que nous avons déjà programmé avec Opérateur Erreur, rock léger voire entêtant mais à juste dose, ça passe. I could foresee it from a mile away, this whole upcoming disaster. You think it's bad now, oh man, why don't you wait? You won't believe what comes after. It's all a game of confidence. Hey! Cut the shit, enough of this. Do you believe me? Don't pretend to tell it all. This is your confidence. If you can't keep a secret, just keep quiet. Pop and Rock, c'est toutes les semaines, tous les lundis, entre 17h et 18h. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Thank you. d'un Tarantino à l'autre. Moi perso, j'ai passé une excellente soirée en votre compagnie. J'espère que pour vous ce fut la même chose. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et surtout, bis à tous.